sur le beat et des beats assez vite, à l'écoute ça les rend débiles. On laissera que des débris, qu'est-ce qu'on fait pas pour départ. Dès le départ, tu sens la rage quand ça démarre. C'est dans la démence depuis les premières démos. En choper le beat et la calvitie d'Homère. Quand j'entends les frères me dire qu'ici c'est la Mercedes. C'est pas l'amour qui fait le bonheur, c'est une Mercedes. J'ai poussé dans la débrouille, là où le manque d'oseille pousse à la dépouille. Et les plus fragiles à la défonce. Bienvenue dans notre France, frère, là où le port à la pense ouvert. Certains pensent à se mettre au rouge, nous pensons à se mettre au vert. C'est un peu le goût de l'enfer et l'euphorie d'être à 2,50 dans une caisse de fer. Ici c'est la misère, mais elle a une drôle d'odeur. T'as pas un sou en poche, mais t'as les dernières Air Max de Footlooker. Les traités de Tarlouse comme Nicolas. On n'est pas des gosses de Gaulle, Nicolas nous le rappelle assez. On est né en pleine patrie raciste, pas sur la terre de nos racines. Ils nous bassinent chaque jour assez avec ce genre de bassesse. Poto, j'aimerais que ça cesse et m'arracher d'ici le cul assis dans une dernière Audi A6. Au diable la 16, vendre la mort à des gamins, ça nous ramènera qu'à bouffer la gamelle. À nous écouter gazer, les gars et les gazelles trouvent le saumon délicieux comme la cannelle. J'ai le flow qui touche le ciel, attends, je reprends une bouffée de la camelle. C'est bon, c'est reparti, on a violent comme un coup sans jack dans les parties. Putain de vie, demande à Nesbin, le maire atteint la retraite avec de l'arthrite. C'est le son de ma street, des frères qui montent chez cher des plans de Rotterdam à Maastricht. J'en arrache trace, putain de confort, à même la purèche des roches quand tu vis pas très riche pour ne pas.